Isabelle, comment vas-tu? Bonjour Nicolas, je vais très bien, et toi? Bien, merci. Quel est ton travail? Je travaille dans un salon de coiffure à Nantes. Et toi? Je travaille dans une entreprise en banlieue.